no water. Eh oui, la machine à son. Thank you. Voulez-vous me prendre pour 100 km? Voulez-vous me prendre car je m'ennuie? Voulez-vous me prendre pour la nuit? Voulez-vous me prendre pour la vie? Entre l'amour que tu avais et les rencontres fugitives. Ton compagnon vraiment t'aimait, tu te crois libre, petite naïve. Pour toi la course va commencer. La grande série de déceptions, ça sera fini. Les vrais frissons d'un grand amour partagé. Voulez-vous me prendre pour 10 km? Voulez-vous me prendre jusqu'à Paris? Voulez-vous me prendre pour 100 km? Voulez-vous me prendre car je m'ennuie? Voulez-vous me prendre pour la nuit? Voulez-vous me prendre pour la vie? Dans très bientôt, tu regretteras les petites joies d'autrefois. Crois-moi, se promener à pied avec un homme que l'on aime, c'est quand même mieux que de s'ennuyer dans une voiture américaine avec un homme qui te laissera le jour et l'heure qui lui plaira. Voulez-vous me prendre pour 10 km? Voulez-vous me prendre jusqu'à Paris? Voulez-vous me prendre pour 100 km? Voulez-vous me prendre car je m'ennuie? Voulez-vous me prendre pour la nuit? Voulez-vous me prendre pour la vie? Ça sert à rien de te le dire, mais tu te retrouveras toute seule. Tu n'auras pas le cœur dans le rire, tu n'auras plus ta jolie gueule, tu auras perdu ta jeunesse pour la fortune que tu n'as point, alors que ta belle richesse d'un grand amour déjà si loin. Voulez-vous me prendre pour 10 km? Voulez-vous me prendre jusqu'à Paris? Voulez-vous me prendre pour 100 km? Voulez-vous me prendre car je m'ennuie? Voulez-vous me prendre pour 10 rupture du son. Je règle parce que je vois que je hurle en fait, même si moi je m'entends pas. Et oui, c'est passé un truc assez extraordinaire, c'est-à-dire que nous n'avions plus de micro, le professeur et moi, donc impossible de vous saturer le cerveau avec nos conneries. Alors surtout qu'en plus là aujourd'hui on en avait trouvé plein d'intéressantes. Alors là j'ai récupéré un petit micro grâce à notre valeureux technicien qui à distance a sué sang et eau pour arriver à me redonner la voix. Coup de chance, donc là j'ai un joli micro argenté façon Claude François, je me vois dans la glace, c'est dingue, il manque plus que le costard à paillettes. Le professeur se roule par terre de bonheur, ça y est, la machine à son peut enfin commencer avec, ouais, on va dire, une petite demi-heure de retard. Mais non, ça va, vous aviez pas son... Alors, par contre, ça a détruit toute notre programmation. Vous savez bien que la machine à son, on est quand même hyper méticuleux sur le choix des morceaux et l'enchaînement des morceaux, et ben là, ça a tout foutu par terre. Donc on va essayer de continuer comme on a commencé, c'est-à-dire dans le fumeux. Eh oui, parce que le nom de l'émission ce soir, c'était une émission pas fameuse, mais fumeuse. Eh ben oui, voilà, et fumeux. Je vous arrête de suite, il est hors de question de parler de choses que la loi nous interdit de parler. Ouais, bref, vous m'avez compris. Non, fumeux dans le sens peu clair, obscur, confus. Une idée fumeuse, un esprit fumeux. Et si vous ne comprenez pas... Ben, fuligineux, nébuleux, nuageux, ténébreux, embrouillé en quelque sorte. I'm gonna raise a fuss, I'm gonna raise a holler about working all summer just to try to earn a dollar. Every time I call my baby, try to get a date, my boss says, "Nowadays, son, you gotta work late." Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Oh, well, my mama papa told me, son, you gotta make some money. If you wanna use the car to go riding next Sunday. Well, I didn't go to work, told the boss I was sick. Now you can't use the car cause you didn't work a lick. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Take 2 weeks, gonna have a fine vacation. I'm gonna take my problem to the United Nations. Well, I called up my congressman and he said, quote, "I'd like to help you, son, but you're too young to vote." Sometimes I wonder what am I gonna do? But there ain't no cure for the summertime blues. Ça rigole pas. Et là, je m'amuse comme un petit fou en fait. Hein. J'essaye au niveau du son de pas être trop violent ni trop faible. Voilà, il faut que j'arrive à peu près à ce niveau-là. Et là, vous m'entendez parfaitement, clairement, comme ils disent les militaires. Eh ben tiens, on va essayer l'écho. Est-ce que vous m'entendez avec de l'écho? Pas du tout. Donc ça, je vais pas encore le faire marcher. Donc on verra ça dans une prochaine émission. Et là, c'est dingue, je suis devenu Claude François, je vous dis, c'est un truc de fou, quoi. Et ouais, le micro à la main, c'est vraiment pas facile de mettre un disque et puis tenir à la fois un micro. Et ben, ça va être du travail. Vous inquiétez pas, il ne vous reste plus que 25 minutes de souffrance. Et oui, parce que maintenant que j'ai repris le micro, vous allez morfler. Say you want a natural man. Good shall I crave you. God! Why? You say you want me, the rider of night, running around with the angels of light. You say you want a natural man, girl child. Dès que la machination, reprend la voix, ça gueule, pire que les bêtes. Soyez animal, nanez, ou n'en faites pas. Ella me dice algo que no tenga seguridad. Y yo le digo. Eh oui. À chaque fois, j'ai peur que le micro marche pas. Donc, je fais des trucs à la con. 1, 2, 3. Voilà, c'est vraiment ces trucs, c'est dingue. Voilà, la voix disparaît. Un monde s'écroule. Décidément, c'est la soirée de la loose. On aurait pu appeler ça comme ça l'émission ce soir. Et oui, désolé. Mais là, je n'y peux rien. Là, attendez, je retourne le disque. Hop, voilà, nous remontons le temps. Et oui, voilà, c'est parce que c'est mal écrit sur le label. Donc, du coup, je me suis trompé de morceau. Oh, la misère. Blues on the run. Sing, sing, sing, sing, sing about the lies the world to live in. Sing, sing, sing, sing, sing about the lies the world to live in. For the freedom of everyone's mind, sing for the children of God. Sing for the freedom of everyone's mind, sing for the children. Ah. fools on the run. Sing, sing, sing, sing, sing, sing about the life the world to live in. Sing, sing, sing, sing, sing about the life the world to live in. For the freedom of everyone's mind, sing for the truth of God. Sing for the freedom of everyone's mind, sing for the truth of God. Et voilà, le bon morceau. Et le professeur, il a couru chez lui chercher le même disque qu'il avait chez lui avec le bon morceau écrit. J'ai pas bien compris pourquoi, parce qu'en fait, c'est juste qu'il était juste après. Allez, roulez jeunesse. Salga el sol, mamá. Machine à son, la meilleure émission du monde, et n'en pas douter. En tout cas, le meilleur des Capharnaüm, celui où... Je ne sais plus ce que je voulais dire. C'est vraiment le Capharnaüm. Si, je voulais dire un truc vachement intelligent, et puis évidemment, comme à chaque fois que j'essaye ça, et ben ça merde. C'est l'enfer. Je me demande toujours pourquoi, avant que ça n'aille. hop, hop, hop. J'ai failli me faire avoir par le temps. C'est dingue, c'est dingue. Et oui, hop là, le micro, le fil est trop court. C'est un truc aussi. Vous imaginez Claude François avec un fil trop court. Il part en courant, bim, allez. Catastrophe, ouais, vous en avez un peu rien à foutre. Non, c'est parce qu'en fait, là, je meuble. Parce que du coup, avec une seule main, vous savez, je fais des choses déjà beaucoup moins vite. Alors déjà qu'avec deux, c'est pas toujours la classe, hein, vous savez. Et bien, alors avec une, c'est l'enfer. Demasiado amar, demasiado amar. et bois ton huile de ricin. Bah, c'est gras. Termine ce litre fillette. Oui, mais pas plus, hein. Et brûle-moi le bout des seins. Avec quoi? Au tison de ta cigarette. Ça sent cochon grillé. Pour avaler une araignée. Tu nous en fais bien des histoires. Toujours des araignées. Pour terminer ta bouchée. Oui, mais la dernière. Tu vois, c'est pas la mer à boire. C'est toi qui le dis. Pour écouter cette la machine à son ce soir, il fallait être un petit peu. Ouais, décidément, c'est vraiment l'enfer ce soir complet. Et oui, j'ai oublié que le micro était branché sur la même table de mixage que ma platine. Donc, du coup, si je baisse le son de la platine, bah, je peux toujours parler pendant des heures, vous n'entendrez pas. Donc, on va garder Sadomaso derrière. Et oui, c'était mon propos, ouais, que ce soir, il fallait être un peu Sadomaso pour écouter les heures. La machine à son. En attendant, vous avez entendu ce soir. Alors, dans le désordre de Capharnaüm le plus complet, évidemment. Là, vous entendez Sadomaso, je ne sais plus comment il s'appelle. De Jaferi. Avant ça, vous avez eu les B-52s. Vous avez eu quoi d'autre encore? Tempo 70, Pérez Prado, deux fois, parce qu'il y a une fois erreur. Le Flying Lizard, excellente reprise de Summertime Blues. Ouais, c'est blues de l'été, c'est la meilleure. Kim Follet aussi. Et vous avez eu aussi Fleur avec Capharnaüm, les Jazz Messenger avec leur excellent Skin and Bones. Et Los Cuchillos son animal, Romit Demasiado Amar, un des derniers morceaux de la soirée, Les Rancards, Moi ton venin, Jody, Please Let Me Be Your Doc, ça normalement j'avais toute une histoire que je devais vous dire là-dessus, et ben foiré, et compte de micro, je suis perdu, Brian Eno, non, il n'y a pas eu de Brian Eno, c'est trop chiant, Tempo 70, excellent, Pérez Prado, vraiment morceau fabuleux, Mama Agogo, Holy Wolf, Smokestack Lightning, putain, j'arriverai jamais à le dire, hein, de toute ma vie. Big Mama Thornton avec Wade in the Water, trempé dans l'eau. Tiens, on va arrêter vite fait de Jaferi. Voilà, c'est parfait. Avant que ça redémarre. Alors, du coup, peut-être que vous m'entendez pas trop, hein, vous prêtez l'oreille. Non, vous êtes déjà tous partis. Non, c'est pas possible. Il me reste quoi? Il me reste moins d'une minute, donc il faut que je ferme ma gueule pour une fois. Et le professeur, il trouvait que c'était bien quand je parlais pas. Qu'en pensez-vous?